Robert Charles Mathurin, Melmoth ou l'homme errant, troisième volume, quatrième partie. Chapitre 16. Ma mémoire ne me retrace avec exactitude qu'un seul moment d'une souffrance inexprimable, qu'un son qui frappa mon oreille comme la trompette au jour du jugement. Je perdis connaissance, et un temps considérable s'écoula durant lequel je me souviens seulement d'avoir refusé toute nourriture. J'avais résisté aux efforts de ceux qui voulaient me faire changer de lieu. Mais ce n'était que des faibles et vaines tentatives d'un homme accablé d'un affreux cauchemar. Par des dates que j'ai pu recueillir depuis, j'ai découvert que je suis resté au moins 4 mois en cet état. Plusieurs changements se firent durant cet intervalle dans ma situation, mais sans que j'y prisse aucune part. Je me rappelle cependant parfaitement qu'un jour je recouvrais tout à coup mes sens et ma raison, et que je me trouvais dans un lieu que j'examinais avec le plus grand étonnement et la plus vive curiosité. Ma mémoire ne me tourmentait pas. Il ne me vint pas dans l'idée de demander pourquoi j'étais là, ni ce que j'avais souffert avant d'y arriver. Le retour de ma raison se faisait graduellement, comme la marée montante, et par bonheur, la mémoire se fit longtemps attendre. Mes sens m'occupèrent assez dans les premiers moments. J'étais sur un lit peu différent de celui que j'occupais dans ma cellule, mais l'appartement que j'habitais ne ressemblait en aucune façon à celui que je possédais au couvent. Il était un peu plus grand et le plancher était recouvert d'une natte. Il n'y avait ni crucifix, ni tableau, ni bénitier. Tous les meubles consistaient en un lit, une table grossière, une lampe et une cruche d'eau. La chambre était sans fenêtre. De gros boutons de fer qui se montraient distinctement à la lumière de la lampe garnissaient la porte et indiquaient qu'elle était bien fermée. Je me mis sur mon séant et, m'appuyant sur mon bras, je regardais autour de moi avec l'inquiétude d'un homme qui craint que le moindre mouvement qu'il fera ne dissipe le charme et ne le replonge dans l'obscurité. Dans cet instant, le souvenir de tout le passé me frappa comme d'un coup de foudre. Je poussai un cri, et je retombai sur mon lit, effrayé, mais avec toute ma connaissance. Je me rappelai à l'instant tous les événements dont j'avais été témoin, avec une force qui ne pouvait être surpassée que par la réalité. Ma fuite, ma délivrance, mon désespoir, tout se retraça à ma pensée. Je crus sentir l'embrassement de Juan. Je crus sentir aussi son sang couler sur moi. Je vis ses yeux se tournait encore vers moi, avant de se fermer à jamais, et je jetai un nouveau cri, tel que jamais il n'en avait retenti dans ses murs. À ce bruit, un individu entra dans ma chambre. Il portait un costume que je n'avais pas encore vu, et il me fit entendre par des signes que je devais garder le plus profond silence. Je le contemplai sans ouvrir la bouche, et mon étonnement eut tout l'effet d'une apparente soumission à ses ordres. Il se retira, et je commençai à me demander où j'étais. J'y réfléchissais sans pouvoir me l'expliquer, quand le même individu rentra. Il posa sur la table du pain, du vin et une petite portion de viande. Puis il me fit signe d'approcher. J'obéis machinalement, et quand je fus assis, il me dit à l'oreille que l'état dans lequel je me trouvais m'avait rendu incapable de comprendre les règlements du lieu où j'étais, et qu'il avait, en conséquence, différé de m'en instruire, mais qu'à présent, il était obligé de me prévenir que ma voix ne devait jamais s'élever au-dessus du diapason dans lequel il m'adressait la parole, et qu'il suffisait pour tout ce que je pouvais avoir à dire. Il m'apprit enfin que des cris, des exclamations de tout genre, étaient sévèrement punis, comme une infraction aux usages inviolables du lieu. Il était même défendu de tousser trop fort, de peur que le bruit ne servît de signal. Je répétai plusieurs fois, « Où suis-je? Où est donc ce lieu? Quels sont ces mystérieux règlements ?» Mais je ne reçus pour toute réponse que ces mots. Mon devoir est de communiquer les ordres que je reçois, et non de répondre à des questions. Après quoi il partit. Quelque extraordinaire que parussent ces injonctions, elles étaient si imposantes, si péremptoires, elles étaient si ressemblantes au langage établi d'un système absolu et depuis longtemps fixé, que l'obéissance me parut inévitable. Je me jetai sur le lit en murmurant en moi-même: Où suis-je? Jusqu'à ce que le sommeil vînt m'accabler. On dit que le sommeil de la convalescence est profond. Le mien fut troublé par des rêves inquiets. Je me croyais dans le couvent, j'expliquais le second livre de Virgile, et je lisais le passage où Hector se montre en songe à Énée. Tout à coup, je m'imaginais qu'Hector et mon frère, Roanne, étaient la même personne. Ils me disaient de fuir, ils disparaissaient ensuite. Je voyais autour de moi les palais troyens livrés aux flammes. Dans ce moment, je me réveillais. C'est une chose fort étrange, monsieur, que l'âme et l'essence puissent continuer à agir pendant le sommeil, quoique leur action soit en apparence suspendue, et que les images qu'ils nous présentent soient plus vives que n'aurait été la réalité. Je me réveillais, comme je viens de vous le dire, dans l'idée que j'étais entouré de flammes, et je ne vis qu'une faible lumière, fort près de mes yeux, à la vérité, mais que l'on retira aussitôt que je les ouvris. La personne qui la tenait la couvrit pour un moment, puis s'avança de nouveau vers moi, et je distinguai les traits du compagnon de ma fuite. Tout ce qui s'était passé lors de notre dernière entrevue revint soudain à ma mémoire. Je me levai en sursaut et je m'écriai: Sommes-nous libres? Chut! Un de nous deux est libre, mais nous ne devons pas parler si haut. On m'a déjà dit cela, et je ne saurais comprendre le motif de ce mystérieux silence. Si je suis libre, dites-le-moi, et dites-moi aussi si Juan a survécu à cet affreux moment. Ma raison est à peine revenue, dites-moi comment Juan se porte. Oh, parfaitement! Il n'y a pas de prince qui repose sous un dais plus somptueux. Il y a des colonnes de marbre, des bannières flottantes et des plumes d'une grande magnificence. Il y avait aussi de la musique. Mais il n'a pas paru y faire attention. Il était couché sur du velours et sur de l'or, et pourtant il restait insensible à toute cette pompe. Sur sa lèvre décolorée se peignait le sourire du dédain pour tout ce qui se passait autour de lui. Il était assez fier même, pendant sa vie. Pendant sa vie, m'écriai-je, il est donc vraiment mort. En pouvez-vous douter, puisque vous savez par qui le coup a été porté? Aucune de mes victimes ne m'a jamais donné la peine d'en frapper un second. Vous, vous! Il me sembla pendant quelques moments que je nageais dans une mer de flammes et de sang. Je retombais dans ma première démence, et je me rappelle seulement d'avoir prononcé sur lui des malédictions qui auraient épuisé la justice divine, si elle avait voulu les écouter. J'aurais continué à extravaguer s'il ne m'eût fait taire par un grand éclat de rire. Il fit partir au milieu de mes malédictions et dont le bruit les absorba. Je levai les yeux, croyant voir un autre être. C'était toujours le même. Vous étiez donc imaginé, me dit-il, que par votre témérité vous endormiriez la vigilance d'un couvent. Deux enfants, l'un craintif et l'autre téméraire, avaient donc pensé qu'ils étaient de dignes adversaires de ce système tout-puissant. Vous, fuir dans le sein d'un cloître. Il continua pendant fort longtemps à me déduire toutes les raisons qui devaient m'empêcher de réussir dans cette entreprise, avec une énergie, une volubilité inconcevables. Je m'efforçais vainement de le suivre ou de le comprendre. La première idée qui me frappa fut qu'il n'était peut-être pas ce qu'il paraissait, que ce n'était pas le compagnon de ma fuite qui m'adressait la parole. J'appelai à mon secours tout le reste de ma raison pour m'en assurer. Je savais qu'il suffirait d'un petit nombre de questions pourvu que j'eusse la force de les prononcer. Ne fûtes-vous pas l'agent de ma fuite? Ne fûtes-vous pas l'homme qui... Qu'est-ce qui vous a porté à cette démarche dont le mauvais succès paraît vous réjouir? Une promesse d'argent! Et vous m'avez trahi, dites-vous? Et vous vous glorifiez de votre trahison? Qu'est-ce qui vous y a engagé? Une récompense plus forte. Votre frère ne donnait que de l'or. Les religieux me promettaient le salut, et ne sachant comment m'y prendre pour y travailler moi-même, Je ne demandais pas mieux que de leur en abandonner le soin, le salut au prix de la trahison et du meurtre. La trahison et le meurtre, ce sont là de grands mots. Parlez plutôt raison. N'est-ce pas votre trahison qui a été la plus vile? Vous avez voulu rompre les vœux que vous aviez prononcés devant Dieu et des hommes. Vous aviez éloigné votre frère de ses devoirs envers ses parents et des vôtres. Et des vôtres. Vous avez participé aux intrigues qu'il a engourdies contre la sainteté d'une institution monastique. Et c'est vous qui osez parler de trahison. N'avez-vous pas aussi, avec une dureté de conscience sans exemple, dans un être aussi jeune, n'avez-vous pas cherché, pour vous sauver, à séduire un confrère? N'avez-vous pas fait tout ce qui dépendait de vous pour lui faire rompre ses vœux, sacrés aux yeux des hommes et inviolables sans doute devant Dieu, s'il y a un Dieu dans le ciel? Et c'est vous qui parlez de trahison. Il n'y a pas sur la terre de traître plus infâme que vous. Moi, je sais que je suis un parricide. J'ai assassiné mon père, mais il n'a pas senti le coup. Je n'ai pas senti non plus, car j'étais enivré de vin, de colère, de sang, n'importe quoi. Mais vous, vous avez porté froidement des coups prémédités au cœur de votre père et de votre mère. Vous les avez tués de propos délibérés. Qui de nous deux est le meurtrier le plus cruel? Et c'est vous, vous qui venez encore parler de meurtre et de trahison? Je suis auprès de vous aussi innocent que l'enfant qui vient de naître. Vos parents se sont séparés. Votre mère est allée se jeter dans un couvent pour cacher le désespoir et la honte qu'elle éprouve de votre conduite dénaturée. Votre père se plonge alternativement dans la volupté et dans la pénitence, également malheureux dans l'une et dans l'autre. Votre frère, vous le savez, a péri en cherchant à vous sauver. Vous avez répandu la désolation sur une famille entière. Vous avez porté le coup mortel à la paix et au bonheur de tous ses membres. Et vous l'avez porté sans regarder une seule fois en arrière. Et c'est vous qui osez parler de trahison et de meurtre. » Il continua encore pendant quelque temps sur le même ton, mais je n'entendais plus rien. J'étais tellement accablé des nouvelles affreuses qu'il venait de me donner sur ma famille que je ne savais plus du tout ce qu'il me disait. Enfin, je m'écriai, « Juan est donc vraiment mort, et c'est vous qui fûtes son meurtrier, vous. Je crois tout ce que vous venez de me dire. Je suis sans doute fort coupable. Mais Juan est-il mort ?» En disant ces mots, je levai sur lui des yeux qui n'avaient plus la force de le contempler. Mes traits m'exprimaient plus rien que l'étonnement d'une douleur sans pareille. Ma voix ne pouvait plus prononcer de reproches. Mes souffrances ne permettaient pas la plainte. J'attendais sa réponse. Il garda le silence. Mais ce silence diabolique en disait assez. Et ma mère s'est retirée dans un couvent. Il fit un signe de tête. Et mon père, il sourit, et je fermai les yeux. Je pouvais tout supporter excepté de le voir sourire. Je ne dis plus rien. Il n'y a point de reproche plus amer que le silence. Car il semble toujours renvoyer les coupables à leur propre cœur, dont l'éloquence ne manque presque jamais de remplir la lacune d'une manière très peu satisfaisante pour l'accusé. Mon regard lui causa donc un courroux que les plus dures invectives n'auraient, j'en suis sûr, pas pu faire naître dans son sein. Je suis même persuadé que des imprécations auraient été pour lui la plus douce musique. Elles auraient été la preuve que sa victime souffrait tous les maux qu'il était en état d'infliger. Il trahit ses sentiments par la violence de ses exclamations, et profitant d'un silence que je n'avais ni la force ni le désir de rompre, il continua pendant plus d'un quart d'heure à vomir les blasphèmes les plus épouvantables qui jamais eussent frappé mon oreille. Le peu que je compris de ces atroces discours était que, n'ayant aucun espoir d'obtenir directement le pardon de Dieu, n'ayant pas même la volonté de l'implorer, il espérait rendre ses souffrances dans un autre monde, moins horrible, en entraînant d'autres individus dans des crimes si grands qu'ils pussent effacer en quelque sorte les siens. Ce fut dans cet espoir, me dit-il à la fin, que je feignis de courir au plan que votre frère avait imaginé. À ces mots, mon attention se réveilla. Je sentis que son discours allait acquérir pour moi un degré d'intérêt qu'il n'avait pas eu jusqu'alors. Il continua. Mais les supérieurs étaient instruits de tous les détails à mesure que je les apprenais moi-même. Ce fut dans cet espoir que je passai cette fatale journée avec vous dans le souterrain. Car si nous avions tenté de nous échapper en plein jour, votre crédulité, toute grande qu'elle était, eût pu en être ébranlée. Mais pendant tout ce temps, je ne cessais de mettre la main au poignard que je portais dans mon sein et qui m'avait été remis dans un but que j'ai bien accompli. Quant à vous, le supérieur a permis votre fuite pour ne plus vous avoir en son pouvoir. Il s'ennuyait de votre présence, ainsi que la communauté. Elle était pour eux un fardeau et un reproche. Votre appel avait été une disgrâce pour le couvent. Ils jugèrent que vous étiez plus fait pour être une victime qu'un prosélyte, et ils jugèrent bien. Vous êtes mieux placé dans votre demeure actuelle, et il n'y a pas de danger que vous en sortiez jamais. Mais où suis-je donc? Vous êtes dans les prisons de l'Inquisition. Chapitre 17. Ce qu'il m'avait dit n'était que trop vrai. J'étais prisonnier du Saint-Office. Il n'y a pas de doute que de grandes conjonctures ne nous inspirent les sentiments qu'ils exigent pour les surmonter. Plus d'un homme a bravé les tempêtes sur le sein de l'océan qui tremblait quand le tonnerre grondait dans sa cheminée. Je sentis la vérité de cette observation. J'étais prisonnier de l'Inquisition. Mais je savais que mon crime, quelque grand qu'il fût, n'était pas de ceux qui tombent directement sous la compétence de son tribunal. Je n'avais jamais prononcé un mot qui dénotât un manque de respect pour l'Église catholique ou qui exprimât le plus léger doute sur un article de foi. Les absurdes accusations de sorcellerie et de possession portées contre moi dans le couvent avaient été complètement détruites lors de la visite de l'évêque. Ma répugnance pour la vie religieuse était à la vérité suffisamment connue et j'en avais donné des preuves trop funestes, mais je ne pouvais pas encourir pour cela les peines de l'Inquisition. Je n'avais rien à craindre de l'Inquisition, du moins à ce que je me disais, et j'ajoutais une pleine foi à mes raisonnements. Le septième jour après le retour de ma raison était celui que l'on avait fixé pour mon interrogatoire. On m'en avait prévenu, quoique l'Inquisition ne soit pas dans l'usage de donner de pareils avis. Vous n'ignorez pas, monsieur, que de tout ce que l'on raconte sur la discipline intérieure de l'Inquisition, il peut à peine y avoir quelque chose de vrai, les prisonniers étant obligés de prêter serment qu'ils ne dévoileront rien de ce qui se passe dans ces murs. Ceux qui ne craignent pas de violer ce serment ne se font sans doute pas non plus un scrupule de trahir la vérité dans les détails qu'ils donnent. Quant à moi, je ne ferai ni l'un ni l'autre. Un serment me défend de vous faire part des circonstances de mon emprisonnement ou de mes interrogatoires. Je ne puis vous communiquer que quelques traits généraux qui peuvent avoir rapport à la narration extraordinaire que j'ai entrepris de vous faire. Mon premier interrogatoire se termina d'une manière assez favorable. On déplora, on réprouva à la vérité mon aversion pour la vie monastique, mais on ne me dit rien qui pût faire naître en moi des craintes particulières. Je fus donc aussi heureux qu'on peut l'être dans la solitude et dans l'obscurité, couché sur la paille et nourri au pain et à l'eau. Mais la quatrième nuit, après mon premier interrogatoire, je fus réveillé par une vive clarté qui vint frapper mes paupières. Je me levai en sursaut, et je vis une personne tenant une lumière et qui se retira de devant mon lit, pour s'asseoir dans le coin le plus éloigné de ma chambre. Quoique je fusse enchanté à la vue d'une figure humaine, j'avais déjà acquis assez l'habitude des usages de l'Inquisition pour demander d'un ton péremptoire et froid quel était celui qui s'était permis d'entrer dans la cellule d'un prisonnier. L'inconnu répondit de la voix la plus douce qui jamais, je crois, ait retenti dans les murs du Saint-Office, qu'il était prisonnier comme moi, que par une indulgence particulière on lui avait permis de me visiter et qu'il espérait. Je ne pus m'empêcher de m'écrier « Ah, doit-on nommer l'espérance en ces lieux ?» Il m'adressa encore avec la même douceur quelques paroles de consolation, et sans parler de ce qui pouvait nous regarder personnellement l'un ou l'autre, il dépeignit l'agrément que nous éprouverions en nous voyant et en causant souvent ensemble. Cet inconnu me visita pendant plusieurs nuits consécutives, et je ne pus m'empêcher de remarquer trois circonstances fort extraordinaires dans ses visites et dans son apparence. La première était qu'il s'efforçait autant qu'il lui était possible de me cacher ses yeux. Il me tournait le dos, s'asseyait de côté, changeait souvent de position et mettait la main devant sa figure. Quand parfois il s'oubliait ou qu'il était forcé de me regarder, j'étais frappé de l'éclat extraordinaire dont ses yeux brillaient. Cet éclat n'avait rien d'humain, et dans l'obscurité de ma prison, j'étais obligé de me détourner, car je ne pouvais le supporter. La seconde circonstance extraordinaire que m'offraient ces visites était qu'il entrait et sortait de chez moi sans que personne s'y opposât. On eût dit qu'il possédait à toute heure la clé de mon cachot. Enfin, ce qui mettait le comble à mon étonnement, c'était non seulement qu'il parlait d'une voix haute et intelligible, tout à fait différente du murmure habituel des conversations inquisitoriennes, mais encore qu'il exprimait librement l'horreur que lui inspirait tout le système de l'Inquisition. Sa haine pour les inquisiteurs et tout ce qui tenait à eux depuis Saint-Dominique, lui-même, jusqu'au moindre familier du Saint-Office, s'exhalait en termes si violents que plus d'une fois, il me fit trembler. Vous avez peut-être entendu dire, monsieur, qu'il existe des personnes employées par l'Inquisition elle-même à consoler les prisonniers dans leur solitude, sous la condition qu'ils obtiendront d'eux, dans la conversation familière, l'aveu des secrets, que la torture n'a pu leur ravir. Je découvris dès le premier moment que mon inconnu n'était pas un de ces gens-là. Il insultait trop grossièrement le système. Son indignation était trop franche. J'ai oublié de vous faire part d'une particularité de ces visites qui me frappait d'une terreur plus grande encore que toutes celles que m'inspirait l'Inquisition. Il ne cessait de me parler d'événements et de personnages dont il était impossible que sa mémoire lui fournît le souvenir. Il s'arrêtait pour lors tout à coup, puis il reprenait avec une espèce de raillerie affectée sur la distraction qu'il avait commise. Il m'est impossible de vous exprimer l'impression que faisaient sur moi ces allusions continuelles à des événements anciens ou à des personnes qui depuis longtemps n'existaient plus. Sa conversation était riche, variée et instructive, mais il parlait si souvent des morts que malgré moi, je me figurais souvent qu'il était du nombre. Il était surtout versé dans l'histoire anecdotique, et moi qui n'en savais presque rien, je l'écoutais avec d'autant plus de ravissement qu'il racontait tout avec la fidélité d'un témoin oculaire. Ce qui me plaisait surtout était la description des fêtes brillantes de la cour de Louis XIV. Il me fit verser des larmes en décrivant la mort funeste de Madame Henriette. Parmi les traits qu'il citait, il y en avait de peu intéressants, mais c'était toujours une suite de détails minutieux qui portaient à l'esprit l'idée et presque la conviction qu'il avait vu lui-même ce qu'il décrivait et qu'il avait connu les personnes dont il parlait. Je me rappelle surtout une fois qu'il me racontait l'anecdote connue du cardinal de Richelieu qui, se trouvant avec le roi Louis XIII dans une réunion, passa devant le roi au moment où l'on annonçait la voiture de sa majesté. « Louis, continua l'inconnu, dit en souriant, son éminence veut toujours être la première. »« La première à servir votre majesté, reprit le cardinal avec une présence d'esprit admirable, et prenant vivement un flambeau des mains d'un page qui était à côté de moi, il éclaira le roi jusqu'à sa voiture. » Je ne pus m'empêcher de l'arrêter aux paroles extraordinaires qui lui étaient échappées, et je lui dis « Y étiez-vous ?» Il me fit une réponse ambiguë. Écartant ce sujet, il continua à m'amuser par plusieurs détails curieux de l'histoire privée du XVIIe siècle, dont il parlait avec une fidélité minutieuse qui ne laissait pas d'être un peu effrayante. Il me quitta, et je le regrettais, quoique je ne puisse expliquer la sensation extraordinaire que me causaient ces visites. Peu de jours après, je devais être interrogé pour la seconde fois. La veille au soir, je fus visité par un des officiers supérieurs du tribunal. Je fis d'autant plus attention à ce qu'il me dit que ses discours étaient plus détaillés et plus énergiques, que je m'y serais attendu de la part d'un habitant de cette silencieuse demeure. Cette circonstance me fit penser qu'il allait peut-être me communiquer quelque chose d'extraordinaire, et je ne me trompais pas. Il me dit en termes précis qu'il régnait depuis quelque temps dans le Saint-Office un trouble et une inquiétude jusqu'alors sans exemple. On répandait qu'un être à figure humaine avait paru dans les cellules de quelques-uns des prisonniers, où il prononçait des discours contraires non seulement à la foi catholique et à la discipline de la Sainte Inquisition, mais encore à la religion en général, et à la croyance en Dieu, et dans une vie à venir. Il ajouta que malgré la vigilance la plus assidue, aucun des employés du tribunal n'avait encore pu réussir à suivre cet individu dans ses visites aux cellules des prisonniers. Que la garde avait été doublée, que toutes les précautions ordinaires et de bien plus grandes encore avaient été prises, mais le tout sans succès. Les seuls avis de l'existence de cet être singulier venaient de quelques prisonniers qu'il avait entretenus, et auxquels il avait parlé un langage qui paraissait lui avoir été dicté par l'ennemi du genre humain pour accomplir la perdition de ses infortunés. Enfin, il m'annonça qu'on ne manquerait pas de m'interroger à ce sujet, et peut-être avec plus d'instance que je ne m'y attendais. Il m'engagea à bien réfléchir à ce que je dirais. Après quoi, me recommandant à la garde de Dieu, il se retira. Je compris sans peine de quoi il s'agissait, mais tranquille sur mon innocence, j'attendis mon interrogatoire plutôt avec de l'espérance qu'avec de la crainte. Après les questions ordinaires, pourquoi étais-je en prison? Qui m'avait accusé? De quel crime je me sentais coupable? Si je me rappelais d'avoir jamais montré du mépris pour les dogmes de l'Église? Etc., etc. On ajouta quelques questions inusitées, qui semblaient se rapporter indirectement à l'individu qui m'avait visité. J'y répondis avec une sincérité qui parut faire une impression terrible sur mes juges. Je leur dis sans détour qu'une personne était entrée dans mon cachot. « Il faut l'appeler une cellule, » dit le grand inquisiteur. Soit, dans ma cellule. Cette personne parla avec la plus grande sévérité du Saint-Office. Elle prononça des mots que le respect ne me permet pas de répéter. J'eus de la peine à croire qu'une telle personne eût reçu la permission de visiter les cachots, je veux dire les cellules, de la Sainte Inquisition. Quand j'eus prononcé ces mots, un des juges, tremblant sur sa chaise, essaya de m'adresser la parole. Son ombre, agrandie par la faible lumière qui régnait dans la salle, offrait, sur le mur opposé, l'image d'un géant paralytique. Sa voix s'arrêta dans son gosier, ses yeux se tournaient avec un mouvement convulsif. Tout à coup il tomba, frappé d'apoplexie, un moment avant qu'on ait pu le transporter dans un appartement voisin. Cet événement interrompit l'interrogatoire. Je fus renvoyé à ma cellule. Et je vis à regret que j'avais laissé dans l'esprit de mes juges une impression défavorable. Ils interprétèrent cette circonstance, déjà extraordinaire par elle-même, de la manière la plus extraordinaire et la plus injuste, et dans l'interrogatoire suivant, je sentis les effets de leur prévention. La nuit suivante, je reçus dans ma cellule la visite d'un des inquisiteurs qui causa longtemps avec moi du ton le plus sérieux, et sans aucune passion. Il me décrivit l'aspect atroce et révoltant sous lequel j'avais paru, depuis le premier moment, aux yeux du Saint-Office. Moine apostat, j'avais déjà été accusé de sorcellerie dans mon couvent. Dans une tentative pour me sauver, j'avais causé la mort de mon frère, que j'avais porté par ma séduction à seconder ma fuite. Enfin, j'avais plongé une des premières familles du royaume dans le désespoir et la honte. J'allais répondre. Mais il m'arrêta en me disant qu'il était venu pour parler et non pour écouter. Il m'informa ensuite que, quoique j'eusse été acquitté lors de la visite de l'évêque, des soupçons de communication avec le malin esprit, ces soupçons venaient néanmoins de se renouveler, avec une force terrible, à l'occasion de cet être extraordinaire, de l'existence duquel je ne pouvais douter, et qui ne s'était jamais présenté dans les prisons de l'Inquisition avant que j'y fusse entré. En ne pouvant en tirer d'autres conclusions, sinon que j'étais réellement la victime de l'ennemi du genre humain. Il me dit de songer sérieusement au danger de la situation dans laquelle j'étais placé par les soupçons qui s'attachaient généralement et à ce qu'il craignait trop justement sur moi. Enfin, il me conjura, au nom de mon salut, de mettre toute ma confiance dans le Saint-Office, et si l'être mystérieux venait me visiter de nouveau, de bien écouter ce que ces lèvres impures me suggéreraient, afin de rapporter fidèlement ces discours au tribunal. Quand l'inquisiteur fut parti, je réfléchis à ce qu'il venait de me dire. Je m'imaginais que ce qui m'arrivait pouvait bien avoir quelque rapport avec la conspiration tramée contre moi dans le couvent. Peut-être voulait-on m'entraîner à m'accuser moi-même. Je sentais donc la nécessité d'une vigilance imperturbable. J'avais le sentiment de mon innocence et il me mettait en état de braver l'Inquisition elle-même. Mais dans les murs du Saint-Office, ce sentiment et cette témérité sont également inutiles. Menacé à la fois du pouvoir de l'Inquisition et de celui du démon, je résolus d'examiner soigneusement ce qui se passerait dans ma cellule, et je n'attendis pas longtemps.